notre Seigneur Jésus-Christ soit loué ce soir. Jina ya Bwana wetu Yesu Kristo isifiwe mangaribi leo. Que Dieu bénisse chaque présence. Mungu abariki kila mtu alikuwa. Nous remercions le Dieu qui nous a gardés depuis hier. Tunamshukuru Mungu alituchunga tangia jana. Et qui a permis que ce soir nous soyons dans sa maison. Na ule anaruhusu mangaribi leo tukue nyumba yake. Que son nom soit loué. Jina lake isifiwe. Mettons-nous debout sans tarder. Tusimame bwima bila ugawia. Pour honorer la parole de Dieu. Juu ya kuheshimia neno la Mungu. Nous lisons Actes chapitre 1er, comme toujours, verset 8 à 11, et nous lirons notre écriture d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 15 à 19. Et nous irons dans le psaume 130, le verset 5 seulement. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les paroles de notre Rédempteur. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Et une nuée les déroba leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus